Je ne peux plus emprunter le nom, les fonds blas. Alors que c'est moi qui l'ai créé, je ne peux plus emprunter le nom, les fonds blas. Alors que c'est moi qui l'ai créé. J'ai créé le groupe juin 2007. Un mois après, j'ai demandé à Johan de me rejoindre. Puis un an après, on a embauché Julien. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'interdit de reprendre le nom. C'est marrant, non ? Je ne peux plus emprunter le nom, les fonds blas. Alors que c'est moi qui l'ai créé. Je ne peux plus emprunter le nom, les fonds blas. Alors que c'est moi qui l'ai créé. Peut-être que bientôt Johnny Hallyday se fera virer par ses musiciens, si peut-être, puis qu'il aura plus le droit de s'appeler Johnny Hallyday. Un jour, peut-être que mes chansons se révolteront aussi, et puis elles me diront que j'ai plus le droit de les jouer. Un jour, mes chansons m'interdiront de les jouer. Pourquoi pas ? On en est là. C'est la preuve que c'est jamais bon dans une entreprise quand les employés prennent un peu trop la confiance. Ils finissent par virer le patron. À mort les syndicats.